quand c'est la fin du monde, du moins la mienne. Dis-moi quand est-ce que je vais tomber. Est-ce que là-haut c'est comme on croit, c'est plein d'azur. Dis-moi quand c'est la fin du monde, du moins la mienne. Dis-moi si je dois commencer à me préparer à retenir tous ces visages que j'aime pour l'éternité. Je sais que certaines cellules ont capitulé. Je sais qu'on n'a pas toujours le vent dans le dos. Je la vois lentement venir. Dis-moi quand c'est la fin du monde, moi la mienne. Quels sont les mots à dire quand c'est la fin du monde, moi la mienne. Est-ce qu'au dernier instant on regrette de ne pas avoir vécu fort? Je sais que certaines cellules ont capitulé. Je sais qu'on n'a pas toujours le vent dans. Dis-moi quand c'est la fin du monde, moi la mienne. Dis-moi est-ce que là est plein de fièvre. On se laisse volontairement happer.